ma belle dans la taupe. Je guette le jour en fuyant sa lumière, que seules mes lèvres caressent tes paupières. Douce nuit, d'où le vent dehors, vole dentelle et caresse les corps. Murmure, tu sois porté par les anges, accroché à leurs ailes nos silences. De nos souffles alanguis, gardien de tes rêves pour exorciser tous tes démons, je me ferai chevalier. Douce reine élue de nos nuits, joyau de couronne en ton sourire, cette main perdue sur l'oreiller. Amour à jamais, je l'en fais prisonnier. Mais je rêve d'une nuit éternelle qui me laisserait aimer sans plus avoir à compter ces heures cruelles qui rapprochent le soleil. De cet écrin ouaté, notre alcôve satinée. De cet écrin ouaté, notre alcôve satinée.